Du 22 au 24 juin, participe au week-end des régates de Saint-Félicien. Les régates, c'est 75 hydroplanes et des équipes de partout en Amérique. C'est aussi la soirée de démonstration de voitures de performance. C'est des spectacles à tous les soirs. Venez aussi en famille et profitez de la zone familiale avec jeux gonflables, clowns et maquillage pour enfants. Joins-toi aux 5000 visiteurs annuels et achète tes billets en ligne au régatesdesaintfélicien.com. Voici votre plus récent bulletin d'information du sport local et régional de l'édition du 11 juin. On va ouvrir le bulletin de sport local et régional. D'abord, parler de la nouvelle de la fin de semaine au niveau local. C'est qu'Alexandre Gagnon a été retranché des Stampeders de Calgary de la Ligue canadienne. Gagnon, qui avait connu un bon camp d'entraînement et techniquement joueur natif de Boom Sessny, devrait tomber joueur autonome au cours des prochains jours. On va tenter d'ailleurs de lui parler au cours également des prochaines journées à danradiosport.com. La région de Saguenay-Lac-Saint-Jean a très bien fait lors des championnats d'athlétisme scolaire qui se déroulaient en fin de semaine à Ville-Saguenay. Ils ont récolté 231 points au général. C'est au niveau benjamin et féminin que la région a bien fait avec une deuxième position. Et les voyageurs de Jonquière ont remporté une victoire difficile de 9 à 8 sur les Alouettes de Charlebourg. Les voyageurs qui avaient bien entamé la rencontre, mais les Alouettes sont revenus dans le match et finalement, les voyageurs ont réussi à préserver la victoire. Le sport local et régional à danradiosport.com. On s'en occupe.